Chapitre 19. Le voyage du retour avait pris 3 jours suppléants. Après ses soins intensifs, Zélé avait dormi toute la première journée, passé la seconde à reprendre ses esprits aussi bien par de la gymnastique qu'en se reconnectant à ses diverses tâches via son implant U. La dernière journée s'était achevée dans la contemplation du vide intersidéral en compagnie d'Ormaïne dans la salle des voyageurs. Ils avaient pu admirer Upléas, cette perle de rubis perdue dans l'univers, devenir de plus en plus brillante, de plus en plus rouge, grossir au fil des heures écoulées. Vue de l'espace, la planète ressemblait à une boule de magma. Les mélanges de jaune et d'orange se retrouvaient tous dans les pôles. Le cap du vaisseau se fit plus précis. Il amorça sa descente vers le pôle nord, seul lieu d'habitation sur Upléas. Zélé et Ormaïne pensèrent en même temps, sans le savoir, qu'il était bien moins difficile de deviner son emplacement de départ pour un Upléen. Retrouver sa route à la surface de ce globe était plus aisé. Un Nikéen pouvait se perdre sur toute la surface de sa planète. De leur baie vitrée, ils pouvaient voir la fumée opaque crachée par les volcans en activité qui polluent l'atmosphère de l'équateur jusqu'aux tropiques. Bien que la vie était présente sur la quasi-totalité de la surface du Pléas, les deux pôles étaient les zones qui concentraient le plus d'espèces. Le climat extrême de l'équateur empêchait toute migration d'un pôle à l'autre. La vie s'était développée depuis 2 souches distinctes à chacun des pôles et avait gagné un peu de terrain jusqu'aux tropiques, mais ne franchissant jamais la frontière. Les espèces, au pôle sud, étaient de petite taille. Il s'agissait majoritairement d'animaux vivant sous terre, dans des grottes ou dans des crevasses, là où la végétation trouvait des conditions favorables. Au pôle nord, la gigantesque faille Mzibokoé donnait accès à l'unique océan du Pléas, enfoui à plusieurs kilomètres sous la surface. C'était là le seul véritable endroit où la vie grouillait de plantes, arbres, petits animaux aquatiques ou terrestres, herbivores, granivores ou nécrophages. Ces animaux vivaient dans l'obscurité presque totale. Beaucoup n'avaient pas d'yeux. L'évolution n'avait pas trouvé de raison de les en doter. L'océan, d'eau douce, affectait aussi la surface. Des sources remontaient jusqu'au désert et formaient des oasis. Le paradis privé de Zélé en était un exemple. Le fait que sa source se trouvât dans un cratère avait permis la formation d'un étang et d'une meilleure stabilité du microclimat. Les oasis qui se formaient dans les dunes disparaissaient totalement à l'approche de l'été. Et Bolbolco était la plus grosse espèce terrestre. Vivant dans le désert en troupeau, il n'approchait que très peu les villes. Il fallait vraiment qu'ils ne trouvassent rien à manger suite à une saison aride pour investir les zones urbaines. Le vaisseau royal s'amarra à plusieurs docks du spatioport. La mission s'étant déroulée dans le plus grand secret, ceux qui voyaient débarquer la reine pouvaient penser qu'elle rentrait d'un de ses nombreux voyages d'affaires. Avec une escorte minime, la reine Zenunuma et sa fille, suivies de Zoku et Ormaïne, embarquèrent dans une petite navette qui les emmena directement au palais royal, sans passer par la gare en périphérie de la capitale Zélaïdo. À peine sortirent-ils du modeste véhicule, que Zélé, Ormaïne et Zoku sentirent la chaleur étouffante de l'atmosphère upléenne se jeter dans leur gorge, leur brûler les poumons à chaque inspiration et évaporer le peu d'humidité qui subsistait à la surface de leur peau. Après plusieurs jours passés dans le doux cocon du climat nikéen, la réadaptation allait être dure. Je dois parler maintenant avec ma mère Ormaïne. Si je laisse passer du temps, elle pourra préparer une stratégie pour mieux se défendre et me perdre. Tu peux compter sur moi pour ne pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle nous fournira toutes les explications que nous attendons. « Peux-tu rentrer à l'oasis seule ?» dit Zélé. « N'y a-t-il pas moyen que je reste au palais en attendant ? J'aimerais bien le visiter, » répondit Ormaïne. « Ah, bien, comme tu veux. Je vais demander à ce qu'on t'apporte une combinaison, » répondit Zélé. « Tu as l'air déçu que je n'y retourne pas. Tu ne veux pas que l'on me voie au palais ?» supposa Ormaïne. « Oh non, rien de ça, Ormaïne. » Maintenant que ma mère sait que tu existes, il n'y a plus de raison de te cacher. C'était pour Goba. Je n'ai qu'une envie, c'est de me rendre au cratère, voir comment il va. Il m'a tant manqué ces derniers jours, et bien que de retour, je ne peux aller le retrouver. S'attrista Zélé. Princesse Zélé, il y a une alternative. J'emprunte un véhicule et je conduis Ormaïne au cratère vert le temps de s'assurer que Goba va bien. Puis nous revenons ici, proposa Zoku. Zoku, c'est vraiment gentil, merci. Je ne veux pas que toi te sentes obligé. Princesse Zélé, ce séjour sur Nikéas a été si revigorant. La chaleur ici m'étouffe déjà. Respirer un peu dans votre oasis me fera le plus grand bien. J'ai presque l'impression de devoir me réhabituer. À peine était-il arrivé dans le palais que la reine d'Enuma s'était éclipsée, mais elle ne pouvait se cacher bien loin. Zélé quitta ses compagnons et contacta sa mère. Elle devait agir tant que les découvertes faites durant leur voyage étaient encore bien vivantes dans son esprit. Il fallait agir avec la rage qui l'habitait au lieu de la laisser se transformer en dégoût qui anéantirait sa motivation. Connexion. Mère Zeninouma, n'oubliez pas que je tiens à vous entretenir. Fille Zélé, je n'oublie pas. Mère Zeninouma, où êtes-vous? Il est inutile de perdre plus de temps. S'impatienta Zélé. Fille Zélé, bien, retrouve-moi dans mes appartements. Fin de connexion. La princesse fut surprise par la disponibilité soudaine de la reine pour aborder le sujet nichéen. À bord du vaisseau, elle avait coupé court à la discussion, et revenue au palais, elle se montrait soudainement conciliante. Cela n'évoquait rien de bon à Zélé. Elle restait sur ses gardes, persuadée que sa mère allait essayer de la duper. Bien que la source et Zélé ne se connussent pas, c'était lui qui avait rendu un immense service sans le savoir à Zélé. S'il n'était pas entré en contact avec la reine et ne l'avait pas menacée, jamais Zeninouma n'aura accepté de dévoiler la vérité à sa fille. Toquant vivement à la porte, Zélé entendit le verrou tourner et ce fut la reine même qui lui ouvrit. Elle lui emboîta le pas. Une réplique du trône de la reine était tout au fond du salon principal, entourée de lourdes tentures pourpres et de sculptures de marbre représentant des Bolbolko posant fièrement et fougueusement. Les accoudoirs étaient gravés de symboles et incrustés de pierres précieuses. Sur le siège était posé un gros coussin en velours. La reine gravit les quelques marches qui surélevaient son royal fauteuil, et une fois assise, elle regarda Zélé, comme elle aurait regardé n'importe lequel de ses sujets. La princesse détestait quand sa mère faisait semblant de ne pas la reconnaître, comme si aucun lien familial ne les unissait. Mère Zeninouma, vous comprenez bien qu'après ce que j'ai vu sur Nikéas, je me pose des questions quant à l'implication du Pléas dans cette affaire. Ne me dites pas que nous sommes étrangères, ou du moins que vous ignorez ce qui s'y passe. Je n'en croirai rien. Je ne croirai jamais que vous ignorez que la seule autre planète du système Réas abrite la vie. Fille Zélé, je ne compte pas démentir tout cela. Mère Zeninouma, parfait. Comment avez-vous su que nous étions sur Nikéas? Fille Zélé, j'ignorais qui t'accompagnait. Je savais que toi, tu y étais. Mère Zeninouma, comment? Fille Zélé, par ton implant. C'est un modèle personnalisé que tu as. J'avouais que tu puisses être localisé. Mère Zeninouma, vous espionnez mes déplacements depuis que je suis implantée? S'indigna Zélé. Fille Zélé, si peu. Cela a toujours été pour veiller à ta sécurité, que toi te situais bien dans un périmètre habituel. Elle me semble que cela s'est révélé être une excellente chose. Où seriez-vous, toi et Zoku, en cet instant? Probablement morte. Répondit Zeninouma. Mère Zeninouma, soyez assurée que mon implant sera changé bientôt. Cela sera ma première étape pour mettre fin au contrôle que vous exercez sur moi. La décision de Zélé semblait n'avoir aucun effet sur la reine. Celle-ci maintenait sur sa fille un regard insondable. Était-elle indifférente à présent? Mère Zeninouma, dites-moi, en quelle langue avez-vous tenté de vous adresser à Armaïn lorsque vous l'avez entretenue pendant le voyage du retour? Demanda Zélé. Fille Zélé, tu l'as dit toi-même. Upléas n'est pas ignorant de la situation sur Nikéas. J'ai donc appris une langue locale. Je pensais qu'il la comprendrait. Et il faut croire que je ne la parle pas si bien. Et je veux dire que je ne l'ai jamais pratiquée. Mère Zeninouma, comment l'avez-vous apprise? Inutile de me parler du Rézarque, rien de nikéen ne s'y trouve. Zeninouma était prête à salir la réputation de la dynastie Zé, mais elle aurait souhaité se sauver un minimum la face. C'était toutefois peine perdue. Elle n'avait d'autre choix que d'avouer tout à sa fille, avant qu'elle ne perdît totalement sa confiance. Zeninouma s'était donné du mal tout au long de son règne pour mettre en place une certaine politique, et elle espérait bien que rien de son travail ne serait gâché après sa mort. Elle tenait à ce que sa successeuse restât dans la même voie. Le seul moyen pour cela était de cesser de penser que Zélé pouvait être dupée facilement. Fille Zélé, l'histoire est longue. Prends place. La reine se leva, alla s'installer sur un divan et invita sa fille à venir s'asseoir à son côté. Zélé vit là une nette amélioration dans son attitude. Cela laissait davantage penser que Zeninouma était prête à coopérer. Toutefois, malgré le sourire qu'elle lui avait adressé, l'air grave ne disparut pas du visage de Zélé. Ce n'était pas en changeant de tactique que la reine réussirait à lui faire baisser la garde. Fille Zélé, Nikéas et Upléas sont bien plus liés que tu n'as pu la deviner. Vois-tu, Upléas est une planète déserte où seules vivent quelques espèces. Elles sont rares parce que ce climat aride les empêche de se développer, autant que la nature pourrait la leur permettre dans un monde plus accueillant. Il est difficile d'imaginer comment, au milieu de si petites espèces, les êtres nifiens et les êtres pobolko ont pu évoluer et bâtir une civilisation en ce qui nous concerne. Mère Zeninouma, que voulez-vous? Tenta de comprendre Zélé. Fille Zélé, aucun Upléen pobolko de cette planète n'aurait pu exister si Nikéas n'existait pas, tout simplement parce que ces deux espèces en sont originaires. En même temps que les paroles de la reine prenaient sens, revinrent à l'esprit de Zélé celles qu'Ormaïn lui avait tenues, alors qu'ils échangeaient vivement dans l'oasis, après leur retour des festivités de fin d'année. Ils trouvaient Zélé si similaire à une Nikéenne qui lui avait avancé sa théorie que les Upléens et les Ikéens n'étaient qu'une seule et même espèce. Elle s'était emportée, elle avait refusé de le croire. Fille Zélé, l'espèce nifienne s'est développée, il y a des millions d'années, sur Nikéas, et y a évolué. Toute notre civilisation, notre culture, proviennent de Nikéas. De nombreuses reines se sont succédées sur le trône nikéen. Mère Zeninouma, quand... Fille Zélé, tu connais l'histoire du roi Kuwaido, bien sûr. Ce roi n'était pas Upléen, il était nikéen, et c'est par lui que tout est arrivé. À cette époque, le comète en était à ses balbutiements. Seules les planètes du centre de la galaxie commençaient à s'unir. Les technologies étaient loin d'être aussi poussées qu'aujourd'hui, la piraterie faisait des ravages dans l'espace intersidéral, et être isolé dans la galaxie était vraiment dangereux. Des pirates, profitant des armes à la pointe de la technologie, pillaient ces mondes perdus, dont l'équipement de protection ne faisait pas le poids. Ce fut à peu près ce que connut Nikéas. Mis à part que les pirates n'étaient pas venus piller les ressources, ils étaient venus pour rester. Ils étaient peu nombreux, juste un vaisseau, mais quelques démonstrations de force suffirent à endiguer toute résistance. Nikéas n'étant pas membre du comète, et celui-ci étant encore faible, aucune aide ne pouvait être demandée. Le roi Kuwaido, qui n'était en rien le roi de Nikéas mais uniquement roi d'une simple contrée et représentant international du continent Est, décida de parlementer avec le chef des pirates. Celui-ci se faisait appeler la source et nommait ses hommes les mercenaires. Kuwaido était un mâle ambitieux. Il cherchait déjà à unir les contrées pour agrandir son territoire et il pensait soumettre la candidature de Nikéas pour entrer dans le comète. Avec cette invasion, ses plans semblaient tomber à l'eau au premier abord, mais au second, cela se révélait être une opportunité. La source accepta qu'une partie de la population s'exila pendant qu'il garderait l'autre partie, plus importante. Il imposa une condition. Si jamais il venait à l'esprit des exilés de tenter de reconquérir Nikéas, tous les Nifiens restés sur leur planète natale, ou leurs descendants, seraient massacrés. Quelques 10 millions d'habitants s'installèrent au pôle nord du Pléas. Ce fut une véritable hécatombe, les premières décennies. Il fallut plusieurs générations pour que l'organisme Nifien s'habituât à ce nouveau climat aride, qui ne correspondait en rien à ses besoins physiologiques. Sur Upléas, Kuwaido devint roi de la planète, mais il ne connut aucune gloire. La population réclama son abdication bien vite, avec la constatation des effets sur la santé d'une vie dans pareil environnement. Apparition de maladies inconnues, augmentation impressionnante de la mortalité chez les individus âgés ou très jeunes, baisse du taux de fertilité, et montée en flèche de celui de la stérilité. Sa fille, Zélaïdo, monta sur le trône. Elle fit bâtir la capitale dans le cratère complexe qui permit d'organiser un réel espace d'échange protégé des tempêtes de sable. Les sondes, envoyées dans les failles, permirent de découvrir l'océan souterrain et de cultiver sur ses rivages, ainsi que de creuser les parois pour y installer les maisons troglodytiques. Le niveau de vie devint bien plus supportable et l'espèce nifienne continua son histoire. Les Bolbolko, importés de Nikéas, n'eurent aucun mal à s'adapter, eux. Déjà présents dans toutes les différentes zones climatiques de Nikéas, ils survécurent parfaitement aux étendues de sable upléennes. Fille Zélé, nous sommes exilés sur Upléas, sur ce monde aride et inhospitalier, mais nous avons tenu bon. Nous sommes toujours là, grâce à Zélaïdo. Nous sommes parvenus à devenir membres du comète. Nous avons su nous relever. Nous n'avons pas à rougir de notre situation actuelle. Mère Zenouma, les esclaves sur Nikéas, s'indigna Zélé. Fille Zélé, j'ignore ce qu'elle se passe exactement sur Nikéas, mais la menace tient toujours. Si nous tentons une attaque, commença Zenouma. Mère Zenouma, aujourd'hui tout est différent, la piraterie est éradiquée. Le comète est étendu, développé, et elle vient en aide à ses membres, en proie à une menace. Le comète est bien plus avancé technologiquement que les mondes extérieurs. Toutes les nouvelles découvertes sont faites par ses membres. Pourquoi n'avez-vous jamais dénoncé ce qui se passe sur Nikéas? Demanda Zélé. Fille Zélé, le comète est peut-être développé, mais elle n'empêche que nous sommes toujours isolés. Cela ne changera rien. Si nous avertissions le comète, les mercenaires mettront à exécution leur chantage ou peut-être fondront vie elle sur Upléas avant que la moindre unité ne soit arrivée. Mère Zeninouma, nous ne craignons rien de ce côté. Leur technologie est dépassée. Viennent non que de très vieux vaisseaux. Viennent n'ont même pas dû nous détecter quand nous sommes entrés dans leur atmosphère. Nous n'avons jamais été pris en chasse. Quand avez-vous su pour Nikéas? Fille Zélé, quelques semaines avant la mort de ta grand-mère. Se sachant condamnée, Zewal Kobi m'a convoqué à son chevet. Même si elle était diminuée depuis longtemps, j'ai vu dans son regard qu'il s'agissait d'un sujet important. Vel m'a raconté l'histoire de l'invasion et de l'accord passé entre Kouaïdo et la source. Mère Zenouma, n'avez-vous pas été révoltée? N'avez-vous pas voulu intervenir? Fille Zélé, je te l'ai dit, non? Intervenir est impossible. Mère Zenouma, vous avez simplement accepté la révélation de Zewal Kobi sans les remettre en question? Attendiez-vous aussi d'être sur votre lit de mort pour me livrer notre glorieux passé? Demanda Zélé. Fille Zélé, non. Mère Zenouma, alors quand? En cadeau d'anniversaire? Lors de mon mariage? Quand? S'impatienta Zélé. Fille Zélé, jamais. Cette transmission ridicule de reine en reine d'un secret si pesant, un boulet à traîner tout le long de son règne, elle valait mieux y mettre un terme. Grâce aux Rézarques et aux données qui y sont partagées ou corrigées si un appareil connecté obtient des résultats différents, la menace que nous y retournions un jour avait disparu. Zélé ne reconnaissait pas sa mère, ou alors la voyait-elle à présent comme elle était réellement, froide et calculatrice. Elle savait que ses décisions étaient tranchées, mais toujours d'une manière juste. Ici, elle était prête à enterrer un monde vivant, juste pour le confort d'une dynastie. Mère Zenouma, savez-vous au moins quel genre de trafic existe sur Nikéas? Fille Zélé, que nous importe ce qu'elle s'y passe? Cette planète n'est pas la nôtre. Les Nifiens qui y vivent n'ont qu'à mener leur révolution. Si elles veulent chasser les mercenaires, je ne porterai pas le risque de causer leur extinction. Mère Zenouma, vous n'en avez que faire. Vous savez très bien ce que penseraient les Upléens si elles apprenaient la vérité. C'est uniquement cela que vous arrête. Fille Zélé, c'est en effet ainsi que je voyais les choses. Seulement maintenant que tu as été indignée de leur situation, dès que tu as su, me laisse penser que la libération de Nikéas passera uniquement par toi. Dès que la révélation sera faite, ma réputation sera entachée à jamais. C'est à toi de parler du haut comète, pour que les moyens nécessaires nous soient fournis. Mère Zenouma, je ne serai pas seule. Ormain viendra parler pour son peuple. Fille Zélé, parfait. Tu sais déjà comment tu présenteras ton discours. Il faut le rédiger stratégiquement, la conseilla Zenouma. Mère Zenouma, je vous laisse ceci. C'est un journal de voyage, écrit par trois Nikéennes. Très enrichissant. Vous n'aurez pas de mal à le comprendre. Il est rédigé en upléen. Fille Zélé, non merci. Je ne tiens pas à en apprendre plus sur ces écœurantes ventes d'esclaves au peuple barbare. Mère Zenouma, Vandes, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes interrogations. Si j'en avais d'autres, j'assais aux voies trouvées. Sans plus de protocole, Zélé quitta au pas de course les appartements de la reine et rejoignit Ormain, qui lui avait indiqué, via une discussion à Panthère, qu'il était revenu au palais. À son arrivée dans l'oasis, il l'avait aussitôt contacté pour la rassurer sur la bonne santé de Goba. Il était à présent dans la galerie des reines. Un serviteur lui présentait avec passion le portrait de chaque reine en décrivant les points importants de leur règne. En apercevant la princesse se hâter vers eux, le serviteur s'inclina et Ormain se retourna. « Ah, Zélé, toutes ces reines sont tes ancêtres. Tu parles d'un arbre généalogique fourni, moi qui ne sais même pas qui sont mes parents. » « Je te raccompagne dans l'oasis ?» demanda Zélé. « Je peux encore attendre, tu sais. Je ne suis pas encore trop déshydratée, je suppose que c'est parce que la pièce est bien climatisée, » répondit Ormain. « Pourtant, Ta peau n'a pas l'air bien. Ah bon? Je ne suis pas restée longtemps au cratère vert, c'est vrai, mais je me sens très... Nous ne devrions pas traîner plus longtemps, lui intima Zélé. Bon, je te suis, répondit Ormain. Ormain salua rapidement le serviteur et suivit Zélé, du mieux qu'il put, tiré par le bras. Il se dégagea de sa poigne pour plus de confort. Vraiment, ma peau te semble desséchée. C'est étrange, je ne sens rien. Vraiment, je vais bien, s'inquiéta Ormain. Ils franchirent l'immense couloir vitré qui offrait une vue de chaque côté sur la cour intérieure du palais, puis à l'extérieur, ils montèrent à bord d'un des véhicules à disposition dans le garage principal. Quand Ormain avait été reconduit au palais par Zoku, ils avaient aperçu un troupeau de bololko dans le désert. Il avait semblé à Ormain que les animaux étaient alors tous du même jaune, se confondant presque totalement avec le paysage. Voyageant dans l'autre sens avec Zélé, il vit dans la même zone un troupeau, qu'il crut être celui identifié précédemment, mais il remarqua que cette fois-ci, ils étaient du même marron que l'énorme rocher à l'ombre duquel il s'était couché. En pénétrant dans l'oasis, Zélé s'était immédiatement dirigé vers l'endroit où Goba était quand Ormain était venu lui rendre une brève visite. Le Bolbolko détecta les pas de la princesse aussitôt et accourut vers elle. Même si Ormain l'avait assuré qu'il allait bien, elle ne pouvait être apaisée qu'en le constatant de ses yeux. Le gros animal tournait autour d'elle à n'en plus finir, réduisant à néant la végétation alentour, la piétinant sans relâche et la pulvérisant par ses coups de queue. Pendant leur retrouvaille, le Nikéen était parti se mirer à la surface de l'étang pour constater si sa peau pelait et grimaçait pour la tendre et constater si elle lui tirait ou non. Zélé le rassura. C'est bon, ne t'inquiète pas, ta peau est très bien. Elle et Goba arrivaient derrière lui. Le Bobolko s'était un peu calmé. Malgré les mots rassurants de la princesse, Ormain continuait à se palper la peau du bras. Ah bon? Mais alors pourquoi? Demanda Ormain. J'ai parlé avec ma mère, commença Zélé. Parfait, parfait. Qu'est-ce que ça a donné? J'aimerais savoir, demanda Zélé. Avant que tu n'arrives ici, que pensais-tu que les mercenaires faisaient de ceux qu'ils enlevaient? Je ne sais pas. On en a déjà parlé et même Eljodi n'a pas pu nous renseigner, répondit Ormain. Et maintenant que nous sommes allés dans une forteresse, que penses-tu qu'il arrive à ceux qui sont emmenés? Continua Zélé. Je ne sais pas pourquoi, tu le sais? Tu as vu quelque chose là-bas avant de nous délivrer? Je ne sais rien non plus, répondit Zélé. Pas d'indice particulier. Mais ma mère m'a donné la réponse alors qu'elle était en train de m'affirmer qu'elle ignorait ce qui se passait sur Nikéas. C'est-à-dire? Je veux dire que ma mère m'a expliqué pourquoi elle était au courant d'une activité sur Nikéas sans que nous intervenions, mais qu'elle ignorait comment les Nikéens vivaient. Sauf qu'en fin de conversation, elle a dit que Nikéas servait de fournisseur d'esclaves. Donc j'avais raison, s'écria Ormain. Ils sont bien emmenés dans l'espace. Oui, ils sont conduits et revendus dans des marchés aux esclaves, disait-elle. La réponse est donc bien sur Nikéas. Ils ont dû noter dans un carnet quelque part où ma fille et Xenia ont été envoyées, s'enthousiasma Ormain reprenant espoir. Oui, ton idée de départ était sûrement la bonne. Seulement, nous ne sommes plus sur place. Et pour ce qui est des autres, demanda Ormain. Des élevages à viande, elle est au courant? Aucune idée, lui disait-elle. Ta mère te ment encore, tu crois? En partie, tout du moins. Elle s'est trahie toute seule. Elle m'a tout de même fourni une explication qui est véridique, je pense. Zélé raconta tout ce que la reine Zenunuma lui avait confié sur les origines nikéennes des habitants du Pléas. Le pacte du roi Kuaido avec les chefs des mercenaires et la menace d'extermination totale. Zélé avait bien vu à quel point cela lui coûtait de livrer ainsi ce qu'elle gardait secret depuis le début de son règne. Toutes les reines depuis ce temps se transmettent officieusement l'histoire, conclut Zélé. Et toi, quand allait-elle t'informer? Demanda Ormain. Jamais, pour étouffer définitivement l'affaire. Elle ne compte pas intervenir, alors? Continua Ormain. Non, apparemment pas. Les Nikéens continueront à être élevés et vendus. Tu es sérieuse? Non, Ormain, bien sûr que non, ça ne continuera pas. Je ne laisserai jamais cela perturber. Je ne sais pas encore comment nous nous y prendrons, mais ces mercenaires ne resteront pas impunis. Nous ferons péricliter leur business monstrueux. Ma mère me laisse le champ libre pour mettre en place les moyens nécessaires à la libération de Nikéas. Nous irons au cœur du comète déposer notre requête. Nous? Demanda Ormain. Oh oui, Ormain, tu seras du voyage. Il est hors de question que j'aille plaider votre cause sans un représentant officiel. Tu veux piquer une tête? Demanda Ormain. Tu as conscience que ce dont je te parle est très sérieux? S'indigna Zélé. Tout à fait, et moi aussi je te propose quelque chose de sérieux. Nous devons de fêter ça. Goba se remplissait la panse de fruits. Ormain frôla la surface de l'étang de la pointe de son pied pour évaluer la température de l'eau et piqua une tête, après avoir retiré sa combinaison. Zélé, sur ses talons, plongea habillé de sa tunique, n'ayant rien d'autre à se mettre. Durant leur bref séjour sur Nikéas, ils n'avaient pas eu le temps de se baigner, alors que Zélé aurait aimé goûter au plaisir de nager dans une étendue d'eau plus grande que celle dont elle disposait chez elle, de nager au milieu des poissons et autres animaux de la faune aquatique nikéenne. Ils en avaient parlé avec Karoa, mais ça ne s'était pas fait. Karoa. Karoa, elle s'était séduit si rapidement. Il était prêt à la suivre. Sans Dionine, elle n'avait plus été elle-même, et le Nikéen avait offert la possibilité d'échapper à la sensation du manque. Avait-elle profité de lui? Sur Upléas, revigorée, elle avait repris ses esprits. Karoa était mort. Ormain était vivant. Le Nikéen passa devant elle, alors qu'elle restait en suspension sous l'eau, perdue dans ses pensées. Elle le vit, lui renvoya son sourire et partit à sa poursuite dans les profondeurs de l'étang. Quand ils mirent un terme à leur baignade, Goba digérait, couché sur le sol, paupières closes. Zélé et Ormain étaient étendus sur le dos dans l'herbe, l'un à côté de l'autre. « Tu vas te moquer de moi, mais... » commença Ormain. « Quoi ?» demanda Zélé. En rentrant au palais avec Zoku, il y avait un troupeau d'êtres Bobolko jaunes. Et quand nous sommes venus ici, nous avons croisé un autre troupeau d'êtres Bobolko marron. J'ai l'impression que c'était le même troupeau. « Et alors ?» demanda Zélé. « Et alors, à l'aller, je suis sûr qu'ils étaient jaunes. Et au retour, ils étaient marrons, » conclut Zélé. « Et Goba est vert, comme la végétation de l'oasis. » Zélé tourna la tête vers Ormain, qui la fixait d'un air interrogateur. Elle maintint son sérieux un instant, puis éclata de rire. « Qu'y a-t-il de drôle ?» demanda Ormain. « C'est normal. Les êtres Bobolko prennent la couleur de leur environnement. C'est une stratégie de camouflage. »« Ah bon ?» Ils étaient bel et bien jaunes d'abord, et marrons ensuite, expliqua Zélé. Mais Goba, lui, est toujours vert, même dans le désert, non? Demanda Ormain. Goba, c'est différent, répondit Zélé. La princesse se leva et alla à la rencontre de sa monture. Sans avoir à taper du pied de façon particulière, Goba avait senti les pas de sa maîtresse venir vers lui et s'était réveillé. Il leva la tête et tendit son encolure vers elle. Zélé prit sa tête dans ses bras et le berça tendrement. « Vous êtes complices tous les deux, » observa Ormain. « Nous deux, c'est une longue histoire, » dit Zélé. Il existait beaucoup de troupeaux de Bobolko sauvages dans le désert, et après le réaménagement de l'oasis, il n'était pas rare d'en trouver à l'intérieur. Cependant, ils ne s'y installaient pas. Ils étaient plutôt farouches et fuyaient dès que Mimisha arrivait accompagnée de la jeune Zélé, pour le plus grand désarroi de la petite. Elle aurait aimé pouvoir les approcher. Un jour, alors qu'elle se promenait, Zélé tomba sur un jeune Bobolko, vert, totalement apeuré. Il avait dû perdre son troupeau. Il s'était retrouvé séparé de son parent. La couleur des Bobolko à la naissance était rouge, comme le sang. Goba avait donc été en mesure d'adapter sa couleur dans les premiers mois de sa vie. Le choc psychologique avait dû inhiber cette capacité. Nous sommes pareils, lui et moi, continua Zélé. Sa peau n'est pas de la bonne couleur, mais c'est néanmoins un être Bobolko. Ma peau a beau être bleue, je suis tout autant un être nifien. En se promenant dans l'oasis, Ormain fit observer à Zélé qu'il n'y avait plus de traces du ravin creusé du crash et que l'appareil avait disparu. La princesse en conclut que sa mère, après avoir fait fouiller le cratère vert à la recherche de sa fille, avait tout arrangé pour que les lieux fussent remis en état. Et faire disparaître le vaisseau NL2BR à bord duquel Ormain était arrivé sur Upléas. Même dans mes appartements climatisés au palais, je vais avoir du mal à dormir. C'est vraiment dur de revenir ici. Après seulement 4 jours passés sur Nikéas, c'est la déconnexion de mon implant qui a tout gâché. J'aurais pu rester vivre dans les galeries une éternité. Tu as connu cela ta vie entière. N'est-ce pas trop dur à vivre? Demanda Zélé. C'est un peu dur, oui. Mais on est pas mal ici, le climat est bien recréé, il n'y a pas l'angoisse de la menace des mercenaires. On ne le montre pas trop, pourtant dans les galeries, nous craignons tous de subir une attaque surprise en pleine nuit, confia Ormain. « Je peux rester dormir avec toi ?» demanda Zélé. « Tu es chez toi ?»« Ça ne te dérange pas ?» insista-t-elle. « Non. » Ils s'installèrent à même l'herbe pour dormir et parlèrent encore un long moment de Nikéas, des Nikéens, des mercenaires, de tout. De rien, les yeux plongés dans les profondeurs infinies des étoiles qu'ils fixaient depuis leurs implants. Nous ne sommes pas prêts de retourner sur Nikias pour libérer mon peuple, avec toutes les démarches dont tu me parles. S'attrista Ormain. Pour que notre requête soit acceptée dès notre première audience au sommet, nous nous devons de prendre notre temps. Il faut trouver la bonne stratégie, ne rien précipiter, expliqua Zélé. Mais pendant ce temps-là... S'attrista Ormain. Pendant ce temps-là, tu n'as pas d'informations sur ta famille, les raptes se poursuivent dans les camps et l'abattage continue. Conclut Zélé. C'est insoutenable, Zélé. Insoutenable de savoir et de ne pas être en mesure d'agir. Nous agissons en constituant un dossier, Ormain. Dans un premier temps, ça ne semble pas très concret, mais ça le deviendra. Et alors, ce sera plus efficace que toute autre tentative. Bon sommeil, Ormain. Je serai patient. Bonne nuit, ma reine. Même si le ciel du Pléas restait imperturbablement vert, Ormain était trop accoutumé à l'expression « bonne nuit » pour penser à reprendre celle plus adéquate de Zélé. Pendant qu'il dormait, Goba s'était éloigné. Il était parti à la recherche d'autres fruits en s'enfonçant dans les feuilles touffues des fougères et des buissons de l'oasis. Zélé se réveilla dans un cri, se redressant d'un bond. Ormain sursauta et la trouva assise près de lui, haletante. Il posa tout de suite son bras sur son épaule pour s'enquérir de ce qui s'était passé. Je les ai tués, tous !» balbutia Zélé. « Tu as tué qui ?» demanda Ormain. « Ces mercenaires, les mercenaires dans la forteresse, je les ai tués !» s'écria Zélé. « Tu ne t'en souvenais pas ?» s'étonna Ormain. « Non, non, je ne me souvenais pas d'eux. Je croyais. » Ruisselante de sueur et tremblant de tous ses membres, Zélé avait du mal à se calmer. Elle fixait ses deux mains comme si elles étaient encore trempées de sang. Elle faisait la morale à sa mère qui voulait renvoyer Ormain sur Nikéas alors qu'elle avait massacré sans hésitation des dizaines, plus, de mercenaires. Elle avait ouvert le feu sur eux. Les images du massacre rejaillissaient de la même manière qu'avait pu jaillir le sang des mercenaires en subissant l'impact de ses tirs ou de sa lame. Elle revoyait la gorge tranchée du museau au perché, le sang noir du gator qui avait coulé quand elle avait planté son poignard dans sa poitrine, quand elle avait préféré supprimer à l'arme blanche le chef des mercenaires Irgosh plutôt que d'utiliser une arme laser. Elle pleurait, elle était secouée de sanglots de plus en plus proches et violents. Elle avait du mal à reprendre son souffle et suffoquait presque. N'avait-elle pas plus de morale que les barbares à combattre? Ormain l'entoura de ses bras et poussa doucement sa main gauche sur le côté de sa figure pour la rassurer, essuyant ses larmes. Tu en gardes des images difficiles, quoi de plus normal? La consola Ormain. Je suis navrée de ne pas avoir compris que tu ne t'en rappelais pas. Ça prouve que tu étais dans un état second, et que ce n'était pas vraiment toi. Tu étais en manque de Dionine à ce moment-là. Dis-toi que, sans toi, nous ne serions jamais sortis vivants de cette forteresse. Zoku et moi, nous n'avions pas ton cran. On serait restés dans nos cellules sans rien tenter pour nous évader, tellement nous nous sentions démunis. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi, Zélé. Ne culpabilise pas. Nous te devons la vie. Tu t'es défendu, d'accord? Elle renifla un peu réconfortée. Il réussit à obtenir d'elle un sourire timide. Il passa encore sa main longtemps sur son visage. Sa peau était douce et c'était la première fois qu'il la tenait si près de lui. Il ne voulait pas que cet instant se terminât. Il voulait la garder ainsi pour toujours. Elle plongea ses yeux saphirs remplis de larmes dans ses yeux d'or et ils cessèrent de sourire. Karoa, Zélé pensait à lui. Pouvait-elle l'oublier si vite et désirer l'ami de celui qui avait été son amant une nuit? Elle ne souhaitait que trouver un réconfort. Y avait-il à réfléchir plus longtemps? Karoa, Ormain pensait à lui. Il avait renoncé à Zélé lors de leur conversation uniquement parce qu'il s'était incliné devant le choix de la princesse. Il avait renoncé à Zélé lors de leur conversation uniquement parce qu'il s'était incliné devant le choix que la princesse avait fait. Cela n'avait en rien altéré ses sentiments. Zélé glissa sa main derrière la nuque d'Ormain. Ormain passa ses deux mains de chaque côté de la tête de Zélé et l'attira à lui. Avant que Zélé ne fût avec Karoa, il en était déjà amoureux. Ormain ne faisait rien de mal. Avant qu'elle ne connût Karoa, elle éprouvait une sensation particulière au sujet d'Ormain. Avec Karoa, il s'était agi de désir. Avec Ormain, c'était plus profond peut-être. Avec les épreuves traversées, la princesse comprenait et acceptait la nature de ses sentiments. Il ne pouvait pas lutter contre le lien qui les liait et qui les attirait l'un à l'autre depuis leur rencontre. Ce n'était peut-être pas le mythe du lien fort et incassable inventé par les habitants des camps. Cependant, c'était un lien bien réel, pas un mythe. Désireux de connaître la saveur de l'autre, leurs bouches entr'ouvertes se rapprochaient inéluctablement. Princesse zélée, comment osez-vous? Je n'en reviens pas. » Avant tout contact, ils se repoussèrent mutuellement, totalement confus, et se retournèrent pour voir qui venait de s'écrier. C'était Misha. L'humaine se tenait debout au milieu de la clairière, les bras ballants, l'air stupéfait. « Misha, que fais-tu ici ?» Zélé s'était levée d'un bond, à la vue de sa nourrice. Une joie immense était tout à coup emparée de son être, et elle se jeta sur l'humaine pour l'enlacer. « Princesse Zélé, comme vous étiez introuvable au palais, j'ai pensé que vous deviez être ici, mais j'ignorais que je vous trouverais ainsi occupée. Je suis Ormaïn, enchantée, » dit Ormaïn en venant à sa rencontre. Nous sommes déjà rencontrés, mais ce jour-là, tu pensais que j'étais au cou. Princesse Zélé, que dit-il ? Demanda Mimisha qui ne comprenait pas. Ormaïn, elle n'est pas implantée, elle ne peut pas te comprendre. Princesse Zélé, ce son, je le connais, je l'ai déjà entendu. Dit Mimisha, c'est cela que vous fredonniez au palais peu de temps après votre implantation de rubis. Vous pratiquiez cette langue ? Misha, en effet, je m'entraînais. Ormaïn s'est écrasé dans l'oasis le jour de la cérémonie. Si la reine ne t'avait pas convoqué, nous l'aurions découvert ensemble. Il vient de la planète Émeraude, expliqua Zélé. Princesse Zélé, ce n'est pas la seule fois que vous avez parlé cette langue. Misha, que veux-tu dire ? J'ai continué à la pratiquer après, bien sûr. Princesse Zélé, non. Quand vous étiez petite, c'était ça que vous chantiez. Je pensais que c'était des babillages. Misha, que racontes-tu là ? Quand j'étais petite, j'aurais... tente de comprendre Zélé. Princesse Zélé, c'était il y a longtemps, mais je ne pense pas me tromper. Était-ce parce que, ville était dans l'oasis, que vous ne souhaitiez plus que j'avoue accompagne? Pour de la bagatelle? S'indigna Mimisha. Mimisha, qui te permet de me juger? Reste à ta place, s'il te plaît, s'énerva Zélé. De toute leur histoire, Zélé n'avait jamais rabaissé Mimisha. Elle s'était toujours parlé d'égal à égal, sauf depuis le changement soudain de comportement de la princesse qui trouvait désormais son explication. Mimisha n'en revenait pas. Que celle qu'elle considérait comme son amie, plus que sa maîtresse, en vint un jour à lui parler ainsi. Mimisha avait pris le temps de réfléchir à sa situation pendant son voyage, sur sa relation avec la princesse qui avait tristement évolué, et elle avait espéré qu'en revenant, elles se tomberaient dans les bras l'une de l'autre, et que tout redeviendrait comme avant. Même si Zélé avait souri en la voyant et l'avait embrassée, l'harmonie n'avait duré que quelques secondes. Princesse Zélé, au palais, votre mère m'a dit que vous étiez allée sur la planète Émeraude. Vous m'avez envoyé chercher des documents alors que vous ne comptiez pas attendre mon retour. Quel était l'intérêt de mon voyage? Vous saviez comme ce serait éprouvant pour moi, s'offusqua Mimisha. Mimisha, cesse de croire que tu vas être assassinée si tu mets un pied hors du Pléas, s'énerva Zélé. Sentant le ton monter entre la princesse et sa servante, Ormaïn se sentit obligé d'intervenir. Du calme, vous n'allez tout de même pas en venir aux griffes, dit en nikéen. Zélé savait que Mimisha n'avait pas compris ce que l'étranger venait de dire, et elle ne voulait pas manquer la possibilité de clouer le bec à l'humaine. Elle paraphrasa sans vergogne les mots d'Ormaïn pour que Mimisha saisît bien. Ormaïn, aux griffes? Oh, que voudrais-toi qu'elle me fasse? Les humains n'ont pas de griffes, juste de ridicules petits ongles. Princesse Zélé, mais nous avons des dents. Zélé pointait sur sa servante ses griffes rouges acérées, prêtes à être plantées dans la chair, tandis que Mimisha dévoilait ses deux rangées d'ivoire, prêtes à mordre. Du moins, elle espérait que le bluff fonctionnerait. Ses dents d'humaine n'étaient en rien intimidantes. Craignant que les menaces ne finissent par être exécutées, Ormaïn s'interposa entre elles. Elle pensa d'ailleurs que tous les risques étaient pour Mimisha. Toute minuscule qu'elle était face à la princesse, et sachant désormais de quoi elle pouvait être capable, il pria Zélé de se calmer et de comprendre la position de son ami. Il aurait également voulu pouvoir raconter toute l'histoire à Mimisha de lui-même, mais Zélé aurait dû servir d'interprète. Finalement, pour éviter tout écho, Zélé fit le récit seul de toutes leurs aventures, de l'arrivée d'Ormaïn à leur sauvetage par le vaisseau de la reine, sans omettre le carnet ou leur incarcération dans la forteresse. L'humaine était captivée par le récit que lui faisait la princesse. Elle écoutait avec la plus grande attention, n'en croyant pas ses oreilles. Zélé, qui n'avait que rarement quitté le sol upléen de sa vie, dont les déplacements s'étaient limités au périmètre du cratère complexe de la capitale, à l'oasis et au palais royal, avait connu plus d'aventures en 4 jours que tout le reste de son existence, et c'était elle qui osait craindre pour sa vie en voyageant dans le comète. Enfin, Zélé lui parla des liens unissant Unikéas et Upléas, explication uniquement fournie par la reine Zinouma, et la princesse supposa qu'elle cachait encore une partie des informations. Princesse Zélé, vous m'avez envoyé chercher des documents, et vous êtes allée constater sur place de vous-même de ce qu'elle en retournait. Ne pouviez-vous pas avoir au moins la décence d'attendre mon retour ? Demanda Mimisha. C'est de ma faute, Zélé voulait attendre ton retour, dit Ormaïn. Mimisha, il dit que c'est lui qui a insisté pour partir sans plus attendre. Cela dit, ça ne change rien. J'aurais dû m'imposer et non pas succomber à ma propre impatience. Ton voyage devait prendre plusieurs semaines. Comment se fait-elle que tu sois rentré si tôt, avec les données ? Demanda Zélé. Princesse Zélé, lors de ma première escale, il y avait dans le spatioport un comptoir pour le service de dépôt de Vix. Je suis allée m'y renseigner et j'ai appris que la société avait entrepris une numérisation de tous les documents matériels contenus dans leur coffre. J'ai pu récupérer les travaux de mes parents le jour même. Ce que vous a dit la reine est différent de ce que relatent leurs travaux. Mimisha, à quel point ? L'invasion de Nikéas par une horde de mercenaires bien armés et prêts à massacrer toute la population était commune aux deux versions. La date était celle de l'époque du règne du roi Kuaido et de la formation toute récente du comète, pas encore très étendue. En revanche, selon les travaux du couple Rabindrana, les mercenaires avaient conquis Nikéas dans le but express de lancer un élevage pour produire les Nifiens en race, afin d'en obtenir des spécimens optimisés au maximum pour leur utilité. Race à viande, race à esclaves, race de compagnie. Ils pouvaient convenir à toutes les sortes de demandes des clients. Le roi Kuaido convainc de leur laisser la plus grosse partie du peuple et de s'établir sur la zone la moins chaude, le pôle nord du Pléas, avec les élites de l'époque, sachant ce qu'il adviendrait de ceux qui resteraient sur place. Une fois le roi et sa cour éloignés, les mercenaires détruisirent toutes les constructions nikéennes de l'époque, ils rasèrent toutes les villes et enfouirent les décombres. Dans les zones pluvieuses, la végétation eut vite fait de recouvrir toute trace de vestiges. Misha, ma mère m'a dit qu'elle ignorait ce qu'elle se passait exactement là-bas. Mais Vel s'est trahie, à un moment. Vel en sait plus que Vel n'a voulu l'avouer. Comment tes parents ont-ils obtenu ces informations ? Demanda Zélé. Princesse Zélé, par des témoignages de descendants d'anciens mercenaires, les derniers mercenaires qui parvenaient encore à rentrer chez eux. Toujours selon leurs travaux, plus aucun mercenaire ne rentre jamais chez lui. Ils sont enrôlés, pensant aller travailler quelques années, envoyant leur salaire à leur famille, mais toute communication avec l'extérieur est coupée, quand Vielle débarque. Ils sont alors faits comme prisonniers, et ne rentrent jamais. Misha, elle faudrait les plaindre peut-être ? Tu as parlé de la théorie. Tu n'as pas vu de quoi Vielle sont complices en pratique. Quelles autres données as-tu ? Dit Zélé. Princesse Zélé, le reste des travaux de mes parents parle plus de la biologie de l'espèce nifienne, les changements physiques apportés par la vie dans un environnement non naturel pour l'espèce, ce que le climat upléen a pu causer sur le corps des nifiens. Tu vois que tu n'es pas malade, Zélé. Ce sont tous les autres qui le sont, intervint Ormaïn. Ormaïn, mais pourquoi serais-je année ainsi ? Les bébés venant au monde ont la peau bleue, c'est vrai, mais elle devient très vite verte, et elles sont comme leurs parents, dit Zélé. À croire que ton corps n'a pas voulu rejeter ses lointaines origines. Je ne sais pas. Peut-être que de temps en temps, ça saute une génération. Enfin, ce serait bien plus d'une génération dans ton cas, dit Ormaïn. Il était évident à présent pour Zélé qu'elle ne devait plus rien attendre de la reine. Elle n'arrivait pas à comprendre sa démarche. Maintenant que l'intégrité de la dynastie d'Aizé était salie, pourquoi s'acharnait-elle à vouloir dissimuler des informations supplémentaires ? La princesse en avait que faire. Elle devait se débrouiller pour toutes les réponses. Elle n'avait plus de temps à perdre à essayer de sauver sa relation avec sa mère. Hésitante, Mimisha attira l'attention de Zélé. Elle ne savait comment présenter à la princesse la faveur qu'elle avait à lui demander. Princesse Zélé, est-ce là tout ce que vous attendiez de moi ? Demanda Mimisha. Misha, que veux-tu dire ? S'inquiéta Zélé. Princesse Zélé, est-ce là tout ce en quoi consistait ma mission ? Ces documents, vous a-t-il apporté entière satisfaction ? Misha, oui, tu m'as rendu un immense service, je ne pourrai jamais te remercier suffisamment. Princesse Zélé, à dire vrai, vous pourriez néanmoins essayer en partie. Misha, demande, et je te l'accorderai. Princesse Zélé, quand votre mère m'a engagée pour m'occuper de vous, Vel m'a dit que je ne pourrais quitter le palais que si vous me donniez congé. Je vous demande de la faire, dit Mimisha. Misha, te renvoyer ? Pourquoi ? Tu veux démissionner ? S'inquiéta Zélé. Pour se faire comprendre et éviter que Zélé ne pensât qu'elle était pour quelque chose dans la décision de sa servante, Mimisha raconta le retour de son voyage à la princesse. Lors de son escale, Alors qu'elle venait de récupérer la copie numérique des travaux de ses parents, Mimisha s'autorisa 2 jours de répit avant de regagner Upléas. En consultant les brochures des divers restaurants du coin, son attention avait été attirée par le bar Terre, et elle s'y était timidement rendue, curieuse de voir si quelques humains s'y trouvaient. Le bon déroulement de son voyage et l'absence de tout regard en coin lui avaient permis d'évacuer toute l'appréhension qui l'avait habitée lors de son départ. Elle avait été identifiée comme humaine de la planète Terre plusieurs fois sans pour autant subir la moindre remarque. Elle était agréablement surprise de constater que la vision de son espèce avait évolué, et elle était devenue désireuse de croiser des congénères pour qu'on lui expliquât les raisons de ces changements. Au fameux bar Terre, Mimisha alla se régaler d'un bon repas, à la fois terrien et respectant l'éthique du comète, une nourriture purement végétale. C'était son premier vrai repas depuis ses 14 ans. Sur Upléas, la seule nourriture qui convint à son organisme était en boîte et insipide. Elle avait longtemps cru que ses papilles étaient mortes. Dans ce bar, à la première bouchée, l'explosion de saveur qu'elle avait ressentie sur sa langue et son palais lui assura que le sens du goût fonctionnait encore chez elle. Pendant son repas, dans le restaurant quasi déserté, elle entendit dans son dos une langue qu'elle n'avait pas entendue depuis ses 14 ans, l'anglais. Elle s'était retournée et avait vu 2 jeunes humains conversant à une table. Ils avaient un look plutôt étrange, mais étant donné leur âge, il n'y avait pas de quoi s'étonner, et Mimisha était bien trop ravie de rencontrer des congénères pour être arrêtée dans son envie de conversation par quelques détails. L'un, androgyne, aux cheveux verts, coiffé en longues bananes, et portant des lunettes roses sans branches, derrière lesquelles transparaissaient 2 paupières closes, était grand et très mince. Il se nommait Cénérès. Ses gestes, souples et gracieux, ainsi que l'ambiguïté de son physique, firent hésiter Mimisha sur son genre. La fille, sans doute une adolescente, les cheveux coupés courts, les traits ronds, harmonisés par des yeux en forme de demi-lune, et une lèvre supérieure gonflée, qui gravait une moue permanente sur son visage, s'appelait Sora. Elle était toute petite, droite, et un immense tatouage recouvrait toute la partie gauche de son visage. Après les présentations, Mimisha leur demanda des nouvelles de la Terre. Elle leur expliqua qu'elle n'avait pas croisé un humain depuis son adolescence, et qu'elle n'était pas sûre du nombre d'années universelles que cela représentait, qu'elle ignorait même son âge actuel, et elle s'excusa également de son anglais qui devait sonner affreux. Mais c'était déjà un miracle qu'elle arrivât encore à le comprendre et à formuler des phrases. La situation sur Terre s'apaisait d'année en année. Ceux, comme la famille de Mimisha, qui avaient subi toutes sortes d'attaques, voyaient leur force grandir grâce à la jeunesse adverse qui se joignait à eux. La Terre, petit à petit, prenait des allures de monde civilisé. Les humains passaient moins pour des profiteurs et des fanatiques, ce qui expliquait qu'ils étaient mieux acceptés par les espèces du comète. Princesse Zélée, voilà pourquoi, si vous voulez me rendre service en retour, je vous demande de me libérer de mes obligations. Je souhaite retourner sur Terre. Je suis partie depuis si longtemps. Vivre avec vous a été un bonheur de chaque instant. Mais il est temps que je retourne à mes racines. J'admire votre détermination à vouloir libérer Nikéas, votre courage face à ce qui peut vous attendre. C'est ce que j'ai découvert de mon côté, lors de ce simple échange avec Sora et Cénérès. Si tous les humains, à l'époque, avaient pris la fuite comme moi, jamais la situation n'aurait pu évoluer. C'est grâce à ceux qui sont restés pour se battre que je vais pouvoir rentrer. C'est grâce à des personnes comme vous. Je ne veux plus fuir. Je veux me battre pour défendre les miens. J'ai vécu terrorisée à l'idée d'être renvoyée, mais maintenant, cela m'est égal. Je n'attends pas votre réponse en réalité, je démissionne. Mimisha, tu as toujours eu le droit de partir, dit Zélée. Princesse Zélée, au début, j'ai réellement cru les paroles de votre mère. Que j'étais prisonnière de ces murs, et en grandissant, c'était plus confortable de ne pas y penser. Même si elle était évidente que je n'étais pas une esclave, j'étais libre de partir. Mais la vérité est qu'elle était plus facile pour moi de vous laisser décider plutôt que de décider de moi-même. J'ai laissé passer les années sans vouloir savoir quel âge j'avais. C'est ma vie, je me dois de la diriger. Je ne dis pas que c'est votre faute. Mimisha, personne ne pourrait penser que toi nous accuses. Je suis ravie que tu aies eu ces réflexions durant ton voyage, dit Zélée. Princesse Zélée, si vous saviez à quel point je suis terrifiée à présent, j'ai 28 ans. Cela ne vous parle pas. Ce sont des années terriennes. Mais je sais ce qu'elles représentent. Et il est temps pour moi d'arrêter de me cacher. Je suis si heureuse de t'avoir connue, Zélée. Je ne pourrai pas assister à ton couronnement ou à ton mariage. Nous ne nous reverrons pas avant très longtemps. si nous nous revoyons un jour, dit tristement Mimicha. Misha, ne sois pas désolée. Tu as suffisamment été présente pour moi. C'est peut-être moi qui te rendrai visite sur Terre. Prends soin de toi. Mimicha n'attendit pas plus que l'accord de Zélé pour repartir. Même si l'idée d'être séparée, pour une période indéterminée et peut-être à jamais leur brisait le cœur, elles étaient heureuses de se quitter en si bons termes. Elles étaient réellement amies désormais, mais devaient tracer leur route chacune de son côté. Un bref arrêt au palais pour collecter les affaires de Mimicha fut la seule étape intermédiaire pour entre l'oasis et la gare. À peine rentrée, Mimicha repartait pour toujours. La princesse l'accompagna à la gare terrestre de liaison avec le spatioport pour lui faire ses adieux, alors qu'Ormain était resté au cratère vert avec Goba. Misha, tu vas me manquer horriblement. Tu as toujours été mon égal. Zélé, tu es comme ma sœur et aussi ma fille. Je t'ai vu grandir et presque entièrement élevée. Je suis si fière de ce que tu es devenue. Tu seras certainement la plus grande reine qu'Upléas ait jamais connue. Je sais que tu parviendras à tes fins pour libérer Nikéas. J'aurais aimé assister à cela, mais j'ai trop tardé. Misha, par l'esprit tranquille, nous nous reverrons, c'est une promesse. Elles s'enlacèrent sur le quai devant la navette. Les bagages de Mimicha, n'étant constitués de rien d'autre que d'un simple sac à dos, l'humaine passa autour du cou de la Nifienne, après qu'elle se soit bien penchée en avant, son pendentif de la terre, en souvenir. Un signal de départ retentit, Mimicha monta à bord et prit place sur un siège près d'une fenêtre. La navette s'ébranla. Mimicha baissa précipitamment la vitre pour crier à Zélé. Zélé, tu n'as pas à te sentir obligé d'épouser Zoku. Choisis toi-même ton époux. J'ai bien vu que... Pendant que Zélé essayait de deviner ce que pouvait être la fin de la phrase, elle reçut une communication sur son implant. Elle hésita à accepter. Voulait-elle vraiment lui parler? Il lui serait difficile de l'éviter. Elle n'avait d'autre choix. L'image transmise lui fendit le cœur, car jamais la princesse ne l'avait vue comme cela, et malgré son profond dégoût, elle ne put qu'être touchée. La reine s'adressait à elle en pleurs. Connexion. Fille Zélé, pardonne-moi, je t'en prie. J'assais ce qu'elle se passe sur Nikéas, tous ces trafics immondes qui n'ont d'égalité que la barbarie qui sévit sur tant d'autres mondes étangés aux comètes. Je suis si honteuse de ne jamais avoir eu ton cran, d'avoir voulu préserver notre dynastie coûte que coûte. C'est impardonnable, j'en suis consciente. Si tu savais, comme j'ai maudit Zewalkobi après sa mort pour m'avoir transmis ce fardeau, je ne voulais pas que tu aies à te salir les mains, à te répugner à chaque fois que tu aies face à toi-même. Mère Zenuma, que voulez-vous ? Demanda Zélé. Fille Zélé, permets-moi de t'aider dans la préparation de ton audience aux comètes. Je les connais, je t'aiderai à mettre en avant les bons arguments. Ormain participera bien entendu, j'écouterai avec intérêt ses remarques. Accepte-toi mon aide, implora la reine. Zélé resta silencieuse, étudiant ce que serait la constitution de son dossier sans l'aide d'une politicienne qui non seulement avait une longue expérience de traitement de requêtes des planètes membres, mais qui connaissait aussi personnellement chacun des représentants planétaires. Serait-elle en mesure de travailler avec celle qu'elle s'était mise à haïr quelques heures plus tôt? Il n'y avait pas de place pour les sentiments, que des compromis. Nikéas et sa population importaient plus que toute autre considération. Elle répondit par l'affirmative et mit fin à la conversation. Fin de connexion. Fin du tome 2.